Titi, t'es là ? Solution pour toi avec ton dévin. Ah ouais, mais les touches sont cassées. Midi sur ma carte son. J'ai une carte son USB que je mets sur l'ordinateur. Et sur la carte son, il y a une prise à midi. Tu branches ton clavier. Tu peux acheter un clavier. Si ton clavier est pourri, tu prends n'importe quel clavier. Tu vas pas t'emmerder à acheter un truc trop cher. Je bouge.